Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les causes des maladies? Comment l'épidémiologie identifie-t-elle les principaux facteurs de risque cardiovasculaire? Le rôle du tabac, de l'alcool ou de plusieurs expositions environnementales à l'origine de nombreux cancers? Comment est née l'épidémiologie analytique, s'interroge le professeur Arnaud Fontanet. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut Pasteur, Arnaud Fontanet est titulaire de la chaire annuelle au Collège de France Santé publique, nouvelle chaire créée en partenariat avec l'Agence nationale Santé publique France. Il est l'un des spécialistes les plus renommés de l'épidémiologie des maladies émergentes. Il a consacré en 2018-2019 une série de cours autour des pandémies. Il nous propose de revenir sur les différentes questions ouvertes dans le cadre de sa leçon inaugurale autour de la naissance de l'épidémiologie moderne et des enjeux méthodologiques. Il reprend un certain nombre des exemples abordés pour les développer plus longuement dans le cadre d'une histoire de l'épidémiologie en deux parties. C'est la première heure que nous proposons aujourd'hui. Dans la présentation de la chaire, il est indiqué que l'épidémiologie s'intéresse à l'état de santé des populations et s'intègre donc parmi les disciplines de la santé publique plutôt qu'à la santé des individus, qui est l'objet de la médecine clinique. L'épidémiologie fournit des méthodes pour mesurer l'état de santé d'une population et pour identifier les causes des maladies. Elle est la science subtile de l'estimation du risque qui a joué un rôle déterminant dans l'augmentation de l'espérance de vie au XXe siècle. Depuis le début des années 1990, elle fait l'objet de discussions et de débats parfois vifs entre spécialistes. Effet d'aubaine de certaines études, difficulté à ajuster et discriminer des facteurs multiples dans le cas de certaines maladies chroniques, modélisation statistique sophistiquée laissant parfois l'impression de boîte noire, incapacité à tenir compte des contextes sociaux sous-jacents aux comportements et aux événements de santé, etc. C'était sans compter sur les progrès de la génétique moléculaire et l'entrée de l'épidémiologie dans l'ère des big data, avec l'accès aux données de séquençage du génome humain et l'arrivée d'immenses banques de données biologiques qui ont entraîné un renouveau de la discipline et suscité de nouveaux espoirs. Les approches méthodologiques n'ont pas cessé d'évoluer depuis. L'aventure vers une médecine et une santé publique de précision orientée vers la prévention ne fait que commencer. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 25 mars 2019 pour le cours d'Arnaud Fontanet intitulé « Histoire de l'épidémiologie, succès et limites, partie 1 ». L'idée générale de ce cours, c'était de vous montrer comment sont faites les études épidémiologiques, vous donner quelques clés de lecture, de compréhension par rapport aux résultats des études que vous pouvez lire dans la presse, dans des domaines extrêmement variés. Il y aura donc un début introductif sur les méthodes en épidémiologie. J'ai donc choisi un certain nombre d'études à vous présenter pour vous montrer comment l'épidémiologie arrivait à faire des recommandations, finalement. Des recommandations que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, mais vous ne savez peut-être pas qu'elles sont issues d'études de grande importance qui ont pris beaucoup d'efforts, d'années pour les réaliser et qui impactent aujourd'hui votre vie quotidienne. Alors à l'heure où sur les réseaux sociaux circulent beaucoup d'informations diverses et variées, notamment ce qu'on appelle les fake news, également dans le domaine de la santé publique, je pense qu'il est important que vous sachiez que par rapport aux recommandations qui vous sont faites pour votre quotidien, eh bien ces recommandations, pour la plupart, s'appuient sur des études de grande ampleur avec une méthodologie aussi rigoureuse que possible. Maintenant, le titre de cette présentation, c'est aussi les limites de l'épidémiologie. Il y a des domaines dans lesquels l'épidémiologie est confrontée à des difficultés méthodologiques qui font qu'elle n'est pas forcément en mesure d'apporter des réponses. Je vais essayer le plus honnêtement possible de vous présenter à la fois ce que l'épidémiologie sait bien faire et puis là où on rencontre encore aujourd'hui des difficultés. Voilà, on est parti pour ce voyage au cœur de l'épidémiologie. Donc l'épidémiologie vous le savez, est au cœur des recommandations qui vous ont faites en termes de prévention. Vous êtes tous au courant des méfaits du tabac, de l'alcool, de la nécessité, de l'importance de dépistage, par exemple de la tension artérielle, de certains cancers, de maladies infectieuses. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que toutes ces recommandations sont issues d'études pour certaines qui ont regroupé plusieurs centaines de milliers d'individus, parfois suivis 20 ans, voire plus. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble. L'épidémiologie, c'est l'étude à la fois de la répartition, mais également des déterminants des événements ou des états de santé dans les populations. Alors, la répartition, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie descriptive, qui est orientée vers la surveillance et la modélisation. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. Ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les déterminants des événements ou des états de santé, plus simplement des maladies, hein, pour la plupart des exemples que je vais choisir. Quelles sont les causes des maladies et comment l'épidémiologie arrive à les identifier ? Gardons en tête que le résultat des études épidémiologiques sont là aussi pour participer au contrôle des maladies dans les populations. Et cette présentation, je l'ai préparée avec l'aide de mes collègues épidémiologistes. C'est-à-dire que j'ai consulté un grand nombre d'entre eux, dont certains sont dans la salle et que je remercie. Et je leur ai demandé, dites-moi, quels sont dans votre histoire professionnelle les articles scientifiques en épidémiologie qui vous ont marqué à la fois par la qualité scientifique des travaux, mais également par l'impact qu'ils ont eu en santé publique. Et donc les exemples que je vais vous donner, qui seront, comme vous le verrez, très orientés aussi vers l'impact, sont tirés de ces discussions informelles que j'ai eues avec mes collègues. L'épidémiologie, comme vous le savez, est au cœur de nos débats de société, qu'on parle de cholestérol, de régime alimentaire, des risques posés peut-être par les téléphones portables, de la pollution, des pesticides, des herbicides, hein, qui sont vraiment très présents dans l'actualité. Donc on est vraiment dans une discipline qui s'intéresse à nos questions de société. Et il est donc important pour vous d'avoir quelques clés de compréhension pour vous faire une opinion par rapport à ce que vous lirez dans la presse, dans les journaux télévisés, sur ces grandes questions de santé et ce que l'épidémiologie a pu montrer jusqu'à présent. La démarche qui est suivie en épidémiologie, elle est basée sur l'estimation du risque. Alors on va soit estimer le risque d'être ou de devenir malade dans une population donnée, ça c'est l'épidémiologie descriptive, la surveillance, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera surtout l'augmentation du risque, ou quelquefois la diminution du risque, hein, qui est associée à certaines de nos caractéristiques. Ça peut être nos gènes, ça peut être nos comportements. Alors les comportements, c'est tabagisme, c'est l'alcool, c'est comportement alimentaire, ou l'environnement. Et là, environnement, vous retrouverez la pollution atmosphérique, mais vous pourrez trouver aussi les agents infectieux qui sont dans notre environnement, et il y en a beaucoup, et on en aura quelques exemples. Et là, on est dans l'épidémiologie analytique, l'étude des déterminants des causes des maladies. Alors, on a l'habitude aujourd'hui de différencier ce qui relève de notre génome, hein, les gènes, les 22 000 gènes que nous avons et qui vont effectivement déterminer notre susceptibilité vis-à-vis d'un certain nombre de maladies, et la rencontre de ce terrain génétique avec l'environnement de ce qu'on appelle les expositions dans notre jargon en épidémiologie, qu'on regroupe aujourd'hui sur un terme qui est l'exposome. Et l'exposome, c'est l'ensemble des expositions non génétiques à laquelle vous pouvez être confronté de votre conception. Donc on démarre déjà dans la vie fœtale, et c'est très important, hein, il y a des études épidémiologiques aujourd'hui qui démarrent dès la conception et qui suivent des femmes enceintes, et après leurs enfants, sur une période qui peut aller maintenant jusqu'à 30-40 ans, parce qu'on pense que des événements de vie fœtale peuvent effectivement avoir un impact important sur votre développement futur. Donc l'exposome, c'est tout de ce qui va de la conception jusqu'à votre décès, et ça regroupe l'ensemble des expositions auxquelles vous pouvez être confronté, qui sont illustrées sur cette diapositive. Alors la naissance de l'épidémiologie qu'on appelle vraiment analytique et qu'on dit aujourd'hui moderne, elle est venue de cette transition épidémiologique qui a eu lieu dans les pays industrialisés au XXe siècle. Hein. Si vous prenez ce qui est figuré ici sur la gauche, c'est la mortalité par maladie infectieuse aux États-Unis au XXe siècle, en fait ici entre 1900 et même 2000, et vous voyez qu'elle a décru considérablement. On est passé d'une mortalité de 800 pour 100 000 personnes par an à peu près 50-60, avec une très légère remontée ici qui est liée au sida. Vous voyez dans cette descente spectaculaire qui a eu lieu pendant la première moitié du XXe siècle, on est aux États-Unis, le pic qui est ici en 1918-1919 qui est relié à la grippe espagnole. Et ce que vous notez, c'est que finalement, cette décroissance a eu lieu essentiellement pendant la première moitié du XXe siècle. Alors c'est intéressant parce que quand on réfléchit un petit peu à qu'est-ce qui a pu permettre cette décroissance, les maladies qui tuaient beaucoup au début du XXe siècle, c'était d'abord les maladies respiratoires. C'était la tuberculose, c'était la grippe et les pneumonies. Il y avait aussi fièvre typhoïde, il y avait aussi les maladies dites infantiles. Mais les progrès qui ont finalement permis de diminuer considérablement la mortalité liée à ces maladies, c'était avant tout les progrès de l'hygiène. Les progrès de l'hygiène, c'est de vivre dans des espaces moins confinés, c'est l'accès à de l'eau potable, c'est l'évacuation des eaux usées, c'est peut-être une meilleure alimentation qui pouvait avoir un impact sur notre capacité à répondre aux agressions, notamment infectieuses. Mais si je dis que ces progrès ont été liés essentiellement à l'amélioration de l'hygiène, c'est parce que les vaccins et les antibiotiques, hein, auxquels on pense tous très spontanément quand on se demande qu'est-ce qui fait que les maladies infectieuses ont pu être maîtrisées au XXe siècle, bien les vaccins et antibiotiques ont été introduits pour l'essentiel sur la deuxième moitié du XXe siècle. La pénicilline qui avait été découverte en 1929, elle est restée sur les étagères, et c'est pour la Deuxième Guerre mondiale que l'armée américaine et anglaise sont allées rechercher sur les étagères la pénicilline et l'ont produite comme un traitement qui pouvait être utilisé pour les soldats, notamment par rapport au risque de surinfection après les blessures, les amputations, les gangrènes, etc. Donc c'est les sulfamides et les antibiotiques ont été introduits pendant la Deuxième Guerre mondiale et juste après. La streptomycine pour la tuberculose, c'est également juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour les vaccins, en dehors du vaccin de la variole qui était utilisé déjà depuis assez longtemps avec une efficacité relative, et des vaccins à fièvre typhoïde et de 2-3 autres vaccins, mais qui n'étaient pas utilisés de façon très, très large, les grands vaccins pour les maladies infantiles, etc., là aussi ont été introduits plutôt sur la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ces grands progrès, on les doit au progrès de l'hygiène. En parallèle de la décroissance des maladies infectieuses, les maladies dites chroniques, et à l'époque surtout maladies cardiovasculaires et cancers que vous voyez ici. Donc sur cette diapositive, vous avez ici les maladies infectieuses, mais vous avez vu, on a changé d'échelle. Vous avez ici les maladies chroniques, et puis vous avez la somme des deux. Et alors que les maladies infectieuses étaient en pleine décroissance, et bien vous voyez que les maladies chroniques, en termes de mortalité, elles sont restées relativement stables pendant toute la période du XXe siècle. Et elles sont donc devenues, de facto, les principales causes de mortalité vers la fin du XXe siècle. Là, on parle donc de cancer et maladies cardiovasculaires, et puis après, les maladies neurodégénératives. La différence, maintenant, quand on en vient aux causes de ces maladies, c'est que, autant pour les maladies infectieuses, il était facile d'identifier la cause de ces maladies infectieuses, c'était le microbe. Et donc le jeu, et qui a d'ailleurs été une rivalité entre Pasteur et Cor, et je vous conseille un très bon documentaire sur Arte qui a été diffusé en novembre dernier et qui, j'espère, sera à nouveau disponible, de Mathieu Schwartz, qui montre la rivalité entre les deux. Et bien là, ils étaient, avec leurs équipes, en train de découvrir telle bactérie associée à telle maladie, mais il était relativement facile donc de trouver les causes de ces maladies. Autant quand on est arrivé devant les maladies chroniques, on a été confronté à des maladies plurifactorielles et les méthodes classiques d'identification des causes des maladies ne fonctionnaient plus. Et c'est là où est née l'épidémiologie moderne, où sont nées les études dont on va parler ensemble, études cas témoins et études de cohorte, qui vont essayer au mieux pour chacun des types de cancers, pour chacune des maladies cardiovasculaires et autres, d'identifier leurs causes. Alors le premier sujet qui a été abordé était celui du tabac et du cancer du poumon. Ce que je vous montre ici, c'est la mortalité par cancer du poumon en Angleterre et au Pays de Galles dans les premières moitiés du XXe siècle. Et vous voyez ici l'introduction des cigarettes et du tabac et à peu près 20 ans plus tard, l'augmentation spectaculaire des cancers du poumon, hein, qui a donc suivi l'introduction du tabagisme à large échelle en Angleterre et au Pays de Galles. Et une des premières questions que les épidémiologistes ont voulu aborder était, peut-on confirmer le lien, qui paraît assez clair et que les médecins avaient déjà noté simplement en discutant avec leurs patients, hein, entre tabac et cancer du poumon, et peut-on le quantifier? Alors, la façon la plus simple de répondre à cette question, et la plus rigoureuse méthodologiquement, aurait été vraisemblablement de faire un essai randomisé. Donc, dans un essai randomisé, vous prenez des individus, vous faites un tirage au sort, et pour une moitié d'entre eux, eh bien, vous allez leur demander de fumer un paquet de cigarettes par jour pendant 20 ans et puis voir un peu ce qui se passe. Et puis l'autre moitié, ils vont fumer des cigarettes, mais sans tabac, ce sera le placebo. Et puis on va comparer 20 ans plus tard la proportion de cancer dans chaque groupe. Vous comprenez comme moi qu'une telle étude n'est pas faisable. D'abord, elle est en pratique impossible parce que vous n'allez jamais pouvoir forcer par tirage au sort des gens à un comportement comme le tabagisme, mais surtout d'un point de vue éthique, elle est totalement inacceptable. Alors que cette méthodologie, bien sûr, aurait été la plus rigoureuse, elle ne pouvait pas être tenue. Et c'est la raison pour laquelle les épidémiologistes ont dû inventer d'autres types d'études, qu'on appelle observationnelles, où on n'intervient pas comme dans un essai randomisé, pour essayer de faire le lien entre tabac et cancer du poumon. La première étude de grande ampleur, en fait, il y en a eu trois à peu près au même moment qui ont été rapportées sur tabac et cancer du poumon. J'ai choisi celle de Dole et Hill qui est assez emblématique. Les puristes connaisseront les deux autres. Mais cette première étude a posé un peu les bases de ce qu'on appelle les études cas témoins. Donc on la doit à deux Anglais, Richard Dole et Austin Bradford Hill. Et leur idée a été de comparer la consommation passée de tabac chez des sujets qui étaient hospitalisés avec cancer du poumon, ça ce sont les cas, avec un groupe qu'on appelle les témoins, qui seraient des gens qui étaient hospitalisés dans les mêmes hôpitaux pour des pathologies non cancéreuses et qui étaient du même âge et du même sexe. Et si on retrouve plus de fumeurs ou plus de consommation tabagique chez les cas, c'est en faveur du rôle délétère du tabac. Donc la méthodologie est très simple, mais elle devait être un peu encadrée, et ils ont été les premiers à faire une étude de très grande ampleur de ce type. Donc ils ont recruté dans 20 hôpitaux de Londres entre 1948 et 49 709 patients qui avaient des cancers du poumon. Et puis ils ont pris leur groupe témoin, qui était 709 patients du même âge, du même sexe, hospitalisés au même endroit pour une pathologie non cancéreuse. Et ils leur ont demandé, très en détail, quelle avait été leur consommation tabagique dans les années précédentes. Et les résultats de cette étude ont permis de montrer... Alors ici vous avez les hommes et ici vous avez les femmes. Donc je vous ai présenté souvent... les résultats d'études, les figures et les tableaux tels qu'ils étaient dans les publications d'origine. Ça n'aide pas forcément la lisibilité, parce que quelquefois les caractères sont petits, etc., mais je trouve, je voulais préserver un petit peu le côté original de la présentation des résultats en retournant ici dans la publication du British Medical Journal de 1950. Ici, vous avez les hommes, ici, vous avez les femmes. Et ce que vous observez, donc en noir, ce sont les sujets qui ont des cancers du poumon et en blanc, les sujets qui n'ont pas de cancer. Et vous observez que la proportion de grands tabagiques, ici ce sont des gens qui fument jusqu'à 25 à 50, voire plus de 50 cigarettes par jour, la proportion de grands tabagiques est plus importante chez les cancers du poumon par rapport à ceux qui n'avaient pas de cancer du poumon. Et le résultat était ce qu'on appelle statistiquement significatif, et j'y reviendrai. Donc là, on avait la première grande étude qui montrait qu'effectivement, le tabac était associé significativement au cancer du poumon. Je voudrais attirer votre attention, parce que c'est quand même étonnant quand on regarde cette diapositive, de se rendre compte que chez les hommes, dans la population témoin qui était censée être représentative de la population de Londres à quelque chose près, eh bien, vous trouvez qu'il n'y avait seulement que 4% d'hommes qui ne fumaient pas à l'époque. Donc le tabac était extrêmement répandu. Je ne sais pas si vous suivez la série The Crown, mais vous verrez qu'ils ont tous une cigarette à la bouche pendant toute la série. Et effectivement, c'est ce que cette diapositive laisse entendre. Et chez les femmes, vous aviez 50% de femmes qui faisaient partie également de la série témoins et qui ne fumaient pas. Le deuxième grand sujet qui a été abordé par les épidémiologistes a été celui du risque cardiovasculaire. Et qu'est-ce qui a été le détonateur pour la prise en compte du risque cardiovasculaire? Ça a été la mort de Franklin Roosevelt. Donc Franklin Roosevelt, président des États-Unis, on peut imaginer qu'il bénéficiait d'un suivi médical rigoureux, a vécu avec une hypertension artérielle diagnostiquée dès 1935, qui a été très peu prise en compte jusqu'à 1944. Et c'est au moment d'ailleurs où il préparait le débarquement de juin 1944 sur les côtes normandes que sa fille s'est vraiment inquiétée de son état de santé qui se détériorait et qu'elle a transféré sur un hôpital à Bethesda qui est dédié à l'armée américaine et où il a été pris en charge par un jeune cardiologue brillant, connu aux États-Unis et qui le premier a dit « Attendez, l'état cardiaque de Franklin Roosevelt est vraiment mauvais et il faut prendre les choses à bras-le-corps ». Alors il avait une insuffisance cardiaque dépendante de lui donner des digitaliques. Il a voulu mettre au régime sans sel, mais Roosevelt a un peu résisté. Et malheureusement, à l'époque, il n'avait pas de traitement de l'hypertension artérielle réellement efficace. Il traitait aussi avec des barbituriques, des choses qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Les diurétiques n'ont été introduits que quelques années plus tard. Et en un an, l'état de santé de Roosevelt s'est considérablement détérioré. Il est décédé d'un accident vasculaire cérébral en 1945. Et donc là, les Américains ont vraiment pris conscience, par l'exemple de Franklin Roosevelt, de la gravité de ces maladies cardiovasculaires. Enfin, ils en étaient entourés, donc ils le savaient bien. 40% à l'époque des personnes décédaient de maladies cardiovasculaires aux États-Unis. Mais il n'empêche que Harry Truman a utilisé ce prétexte pour financer des grands programmes de recherche sur le risque cardiovasculaire avec le NIH, avec la création du National Heart Act aux États-Unis. Et en termes de recherche, la concrétisation de cet effort s'est faite avec la cohorte de Framingham, qui est une ville du Massachusetts, donc pas très très loin de Boston, mais plus à l'est. Et ils ont mis en place la première étude de cohorte de grande ampleur. Là aussi, vous trouverez des exemples d'études de cohorte dans le passé, mais beaucoup plus petites. Là, c'était la première grande étude de cohorte où ils ont sélectionné, comme pour toute étude de cohorte, un groupe d'individus indemnes des maladies que vous allez étudier, ici les maladies cardiovasculaires, et vous les suivez au cours du temps avec des examens répétés où vous allez d'une part essayer de mesurer des facteurs de risque présumés de maladies cardiovasculaires et également documenter les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, toutes les maladies cardiovasculaires qu'ils pourraient faire pendant votre suivi. Et après, vous regardez les associations qui peuvent exister entre les facteurs de risque présumés de maladies cardiovasculaires et les maladies qu'ils ont développées. Donc la cohorte a démarré en 1948. Initialement, elle était constituée de 5209 individus qui avaient entre 30 et 62 ans. Et elle s'est enrichie au fur et à mesure des années de la descendance des individus qui étaient déjà présents dans cette cohorte. Et vous avez sur cette photo trois générations d'une même famille qui participent à la cohorte de Framingham. Alors la cohorte de Framingham, elle nous a apporté l'essentiel des données, des premières données vraiment robustes dont on dispose sur les facteurs de risque cardiovasculaires. Ces grandes cohortes ont produit des centaines, voire pour certaines des milliers de publications scientifiques. Il ne serait pas possible de vous les détailler toutes, bien évidemment. J'en ai pris une qui vous montre ici votre risque cumulatif de développer un accident cardiovasculaire selon le nombre de facteurs de risque que vous aviez à l'âge de 50 ans. Et si vous n'aviez aucun facteur de risque à ce moment-là, votre risque de maladie cardiovasculaire pour les hommes n'est que de 5%. Si vous aviez déjà un facteur de risque, votre risque de développer une maladie cardiovasculaire entre 50 et 90 ans va jusqu'à atteindre 36% à l'âge de 90 ans. Et puis plus vous rajoutez des facteurs de risque, plus votre risque augmente. Et c'est la même chose pour les femmes à un degré un peu plus faible. Les risques qui étaient pris en compte dans cette diapositive, ils vous sont listés sur la gauche, c'est l'hypertension, le tabagisme, le diabète, l'obésité et l'hypercholestérolémie. Quand aujourd'hui vous allez chez votre médecin traitant et qu'il vous fait vos examens de base, prise de tension artérielle, etc., cholestérol, diabète et tout le reste, et qu'il doit par exemple décider de traiter ou non votre hypercholestérolémie, eh bien il va calculer un score qui est dérivé de cette étude de Framingham qui a été depuis remodelée. Mais c'est vraiment cette étude qui a été une des premières à donner les éléments qui permettent de calculer ces scores. Et sur la base du score et de votre risque de développer une maladie cardiovasculaire, votre médecin traitant va en accord avec vous décider ou non de vous traiter pour, par exemple, hypercholestérolémie. Alors maintenant, je vais juste vous donner quelques éléments sur la méthodologie des études de cohorte et des études cas témoins pour que vous ayez une appréciation de comment sont estimés ces fameux risques relatifs, l'augmentation du risque d'être malade pour les exposés par rapport aux non-exposés. En gros, si on vous dit le diabète double votre risque de maladie cardiovasculaire, comment est-ce que ce multiplié par 2 a été calculé dans une étude de cohorte comme celle de Framingham ? Alors vous avez ici, sur cette diapositive, une représentation schématique d'une cohorte où on part avec 4 individus exposés qui sont en trait plein, épais, et 12 individus non exposés. Et puis vous avez des individus qui développent la maladie, soit chez les exposés, ils sont 2, soit chez les non exposés, ils sont 2. Vous avez ici une unité de temps que j'ai arbitrairement mise à 1. Et comment est-ce qu'on va donc calculer cette augmentation du risque ? Sur la base d'un exemple comme celui-ci, vous allez d'abord calculer ce qu'on appelle le taux d'incidence chez les exposés, c'est-à-dire le nombre de cas chez les exposés divisé par le pourcentage de suivi. Il faut savoir que le pourcentage de suivi s'arrête quand vous avez développé la maladie parce que vous n'êtes plus à risque de la développer. Et donc ici, chez les exposés, pour les 2 sujets qui ont développé la maladie, leur temps de suivi est interrompu et votre taux d'incidence devient 2 sur 3,6. Vous faites la même chose chez les non-exposés et vous obtenez, dans cet exemple, 2 sur 10,8. Et vous faites le ratio des 2 et vous obtenez 3. Donc dans cet exemple, le risque de développer la maladie est 3 fois supérieur pour les exposés par rapport aux non-exposés. Et c'est ce qu'on fait dans les études de cohorte. Et c'est ainsi qu'on produit ces chiffres que vous voyez dans la presse ensuite sur telle exposition va doubler ou tripler votre risque de maladie. Dans une étude cas témoin, vous allez en fait vous placer, mettons, dans une structure hospitalière, comme je l'ai figuré ici, ou qui va recueillir finalement les cas qui vont être donc hospitalisés comme l'ont fait Dole et Hill quand ils sont allés dans les hôpitaux de Londres pour les cancers du poumon. Et dans le cas présent, vous aurez 2 sujets exposés et 2 sujets non exposés qui vont arriver malades et qui seront les cas de votre étude cas témoin. Les témoins, eux, ils vont vous servir à échantillonner le pourcentage de suivi d'une cohorte virtuelle qui est la cohorte des personnes qui, si elles étaient tombées malades, seraient allées dans cet hôpital. C'est en gros le bassin de drainage de votre hôpital. Donc, en recrutant des témoins dans votre hôpital, vous allez dans le bassin de drainage, dans la population des gens qui, s'ils étaient tombés malades, seraient allés dans cet hôpital, et vous allez avoir un échantillonnage du personne-temps qui est figuré sur cette cohorte virtuelle qui est drainée par l'hôpital. Et si votre sélection est bien faite, si elle n'est pas biaisée, la fraction d'échantillonnage est la même pour le personne-temps exposé ou le personne-temps non exposé de la cohorte virtuelle qui a donné naissance au cas que vous avez hospitalisé, eh bien, le produit en croix, qu'on appelle l'odds ratio, qui est montré ici, est une estimation non biaisée du ratio des taux d'incidence de la cohorte qui a donné naissance à ces cas et aux témoins que vous avez échantillonnés à partir du bassin de drainage de l'hôpital. Alors, juste pour vous dire finalement que études de cohorte et études cas témoins ont le même objectif, c'est d'estimer l'augmentation du risque pour les exposés par rapport aux non exposés. C'est simple à comprendre sur une étude de cohorte, un petit peu plus complexe sur l'étude cas témoins, mais vous arrivez dans les deux cas de figure à apprendre, par exemple, que vous avez un triplement du risque de développer la maladie pour les exposés par rapport aux non-exposés. C'est juste le design qui change un petit peu. Alors, la deuxième partie un peu méthodologique, et je vous rassure, dans 5-10 minutes, on arrête avec tout ça et on passe à des exemples, c'est quand même de comprendre un peu l'importance des biais et des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Quand vous allez concevoir une étude en épidémiologie, vous allez d'abord partir d'une hypothèse. Par exemple, est-ce que l'exercice protège contre l'infarctus du myocarde ? Vous allez faire une étude en population, ça peut être une étude de cohorte, une étude cas témoins. Vous allez mesurer l'association entre exposition et maladie dans votre étude, comme on l'a montré ici avec cet exemple, où vous retrouvez un risque relatif à l'issue de votre étude. Et les deux questions que vous allez vous poser à ce moment-là, c'est 1. Est-ce que les résultats que j'observe peuvent être dus à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage ? Parce que vous travaillez sur un échantillon, donc si vous aviez pris un échantillon différent, vous auriez peut-être eu un autre résultat. C'est ces fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Et deuxième question importante, c'est est-ce que les résultats que j'ai obtenus peuvent être dus à des biais ? Donc on va regarder ensemble comment est-ce qu'on gère la question des fluctuations aléatoires d'échantillonnage, comment on gère la question des biais, et puis après on part sur des exemples. Alors les biais, il y a 3 grands types de biais en épidémiologie. Vous avez ce qu'on appelle des biais de classement, il y a des biais de sélection et les biais de confusion. Le biais de classement, c'est quand vous avez mal mesuré soit l'exposition, soit la maladie. Par exemple, si on reprenait l'exemple de tabac, cancer du poumon, quand ils ont interrogé les sujets pour leur demander combien vous avez fumé dans les années précédentes, il aurait pu y avoir des erreurs sur l'appréciation par les individus de leur consommation tabagique. Voire certains n'auraient pas voulu déclarer telle qu'elle était leur consommation tabagique, par exemple. Donc là, vous avez un biais de classement. Le biais de sélection, c'est quand le groupe sur lequel vous travaillez n'est pas représentatif de la population source que vous auriez voulu échantillonner, ou à laquelle vous auriez voulu généraliser vos résultats. Si je reprends l'exemple de l'étude tabac cancer du poumon, eh bien, on pourrait imaginer que si Dole et Hill, dans leur groupe témoin, avaient pris des sujets atteints du cancer de la vessie, ne sachant pas à l'époque que le tabagisme pouvait être responsable du cancer de la vessie, ils auraient dans leur population témoin surestimé la consommation tabagique, et l'amplitude de l'association entre tabac et cancer du poumon qu'ils auraient trouvé aurait été diminuée parce qu'ils auraient comparé le tabagisme chez des sujets qui ont un cancer du poumon, au tabagisme qui est une surestimation, puisque c'est une cause de cancer de la vessie, dans leur population témoin. Donc ça, c'est un biais de sélection, et c'est des choses sur lesquelles il faut être un peu vigilant. Le dernier biais qui est important, c'est le biais de confusion. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur la cohorte de Framingham. Vous trouvez, par exemple, que l'exercice vous protège de l'infarctus du myocarde. Mais est-ce que c'est vraiment parce que l'exercice vous protège de l'infarctus du myocarde ? Ou est-ce que vous ne pourriez pas imaginer que parmi les gens qui font de l'exercice, vous avez une proportion plus importante de fumeurs par rapport aux gens qui ne font pas d'exercice, et que la protection apportée par l'exercice contre l'infarctus du myocarde ne serait pas simplement due à la surreprésentation des non-fumeurs dans le groupe des gens qui font de l'exercice. Donc ça, c'est un biais de confusion, et vous pouvez vous exercer mentalement dans chacune des études à vous dire « Ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette étude un effet de confusion ?» Dans la pratique, il y a plusieurs façons en épidémiologie de gérer les biais de confusion. Il y a eu beaucoup de travaux méthodologiques qui ont été faits par les épidémiologistes pour soit les prévenir, soit les traiter dans l'analyse. Et c'est notamment les collaborations avec les biostatisticiens pour des modèles qu'on appelle des modèles multivariés qui permettent d'extraire l'effet indépendant de chacune des expositions une fois que vous avez pris en compte les biais de confusion possibles. Donc voilà pour les grands types de biais en épidémiologie. Collège de France et France Culture vous présente le professeur Arnaud Fontanet, titulaire de la chaire annuelle Santé publique. Aujourd'hui, histoire de l'épidémiologie, succès et limites, partie 1. Les fluctuations aléatoires d'échantillonnage, c'est un sujet également assez complexe, mais qui est important de maîtriser parce que vous allez voir que ça va être une source de beaucoup d'erreurs par la suite dans l'interprétation des résultats des études épidémiologiques et la façon avec laquelle ces résultats ont été publiés d'abord par les revues scientifiques et puis ensuite repris par les médias. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites vos études épidémiologiques, vous allez travailler sur un échantillon et vous allez trouver une association entre exposition et maladie dans votre échantillon. Si vous aviez pris un autre échantillon, vous auriez peut-être eu une valeur un peu différente, etc., etc. Donc il y a des variations aléatoires d'échantillonnage. C'est la même chose si vous faites un sondage en population sur les intentions électorales. Ben, vous avez eu un échantillon de 1000 personnes qui vous donne un résultat. Mais si l'étude avait été faite quasi simultanément par un autre groupe, ils auraient tiré au sort probablement un échantillon différent et vous auriez eu un résultat différent. Comment est-ce qu'on gère ces fluctuations aléatoires d'échantillonnage ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer sous ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, où il n'existerait pas de différence entre les deux groupes que vous comparez, la probabilité d'observer une différence au moins aussi large que celle que vous avez observée, simplement du fait des variations aléatoires d'échantillonnage. Donc, je m'explique. Si, par exemple, vous trouvez que le tabac va multiplier par 8 votre risque de cancer du poumon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur l'hypothèse nulle où vous allez dire: faisons l'hypothèse que le tabac n'augmente pas le risque de cancer du poumon, et vous calculez, et on a les moyens statistiques de le faire, la probabilité d'observer une différence au moins aussi large que celle que vous avez observée, dans le cas présent, une augmentation de risque de 8 ou plus de cancer du poumon pour ceux qui fument, sous cette hypothèse nulle. Et si cette probabilité est faible, voire extrêmement faible, ce qui sera le cas dans l'exemple que je vous donne, vous rejetez l'hypothèse nulle et vous dites que vos résultats sont statistiquement significatifs. Donc ça, c'est la démarche qui est faite par les épidémiologistes et les biostatisticiens pour, dans ces situations, se demander si, oui ou non, on a affaire à une fluctuation aléatoire d'échantillonnage. Le problème, c'était, quand je vous ai dit, on rejette l'hypothèse nulle, il faut un certain seuil, il y a une probabilité à partir de laquelle vous allez dire, si cette probabilité est faible, je rejette l'hypothèse nulle et je dis que les résultats sont statistiquement significatifs. Mais comment choisir ce seuil? Et ce seuil a été très important parce qu'il a déterminé finalement ce qui faisait que, quand on faisait une enquête épidémiologique, on pouvait déclarer que nos résultats étaient statistiquement significatifs ou non. Alors, Ronald Fisher, qui a été un des plus grands statisticiens du début du XXe siècle, a calculé, sous beaucoup de jeux de données différents, les façons d'estimer la valeur P. Et il a donc énormément réfléchi sur la valeur P. Lui-même considérait que c'était un indicateur comme un autre et qu'il n'y avait pas de raison de mettre un seuil à la valeur P. Ça vous disait simplement quelle est la probabilité, sous l'hypothèse d'absence d'association entre vos deux groupes, d'observer un résultat au moins aussi extrême que vous avez observé. Et vous prenez cette indication comme telle, vous la comparez aux autres éléments que vous avez, vous décidez de comment vous allez interpréter vos résultats. Mais voilà qu'il s'est laissé aller, dans la page 70 de son traité Statistical Methods for Research Workers, à dire que s'il fallait choisir un seuil, éventuellement, il le mettrait à 0,05. C'est-à-dire que dans 5% des cas, on serait amené à rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Et cette petite phrase a été le point de départ sur lequel finalement se sont focalisés l'ensemble de la communauté scientifique et puis ensuite des journaux scientifiques pour décider, on prendra une valeur P à 0,05 pour dire que des résultats sont statistiquement significatifs. Et pour ceux d'entre vous qui faites partie de la communauté scientifique et qui publiez dans le domaine de la recherche biomédicale ou en épidémiologie, vous savez à quel point ce seuil a joué un rôle important parce que pour un jeune chercheur, vous êtes statistiquement significatif, vous vous dites mes résultats ne sont pas dus à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage, c'est donc cette association est vraie et vos résultats ont beaucoup plus de chances d'être acceptés dans les journaux médicaux. Alors que si vous ne pouvez pas écarter qu'il puisse s'agir d'une fluctuation aléatoire d'échantillonnage, on prêtera beaucoup moins d'attention à vos résultats. L'autre notion que je voulais introduire, parce qu'elle sera importante pour l'interprétation des résultats qui vont suivre, c'est qu'il y a une autre façon de parler de vos résultats, qui est, je vous l'ai dit, on va estimer des risques relatifs. Hein, une augmentation du risque d'être malade pour les exposés par rapport aux non-exposés. Eh bien, on va construire autour de cette estimation que vous allez donner ce qu'on appelle un intervalle de confiance, qui va être pris à 95%. C'est le pendant du seuil de 5% qui avait été choisi pour rejeter l'hypothèse nulle pour la valeur P. Et finalement, ce que vous allez donner comme résultat, c'est un résultat qui se manifestera comme je vous le montre ici. Vous allez donner votre odds ratio, par exemple, dans une étude cas témoin, qui va être égal à 1,83 ici, et son intervalle de confiance à 95%. Vous savez que s'il n'y a pas d'augmentation de risque pour les exposés par rapport aux non exposés, votre odds ratio va être à 1. Si l'odds ratio est supérieur à 1, c'est un effet délétère de l'exposition. Si l'odds ratio est inférieur à 1, ça veut dire que votre exposition protège. Donc, ce qui est important, c'est de savoir si votre intervalle de confiance à 95% contient ou non la valeur 1. S'il ne la contient pas, votre résultat est statistiquement significatif. Ça veut dire que votre valeur P est inférieure à 0,05. Si votre intervalle de confiance, comme dans ce deuxième exemple, contient la valeur 1, vos résultats ne sont pas statistiquement significatifs. Vous ne pouvez pas écarter une fluctuation aléatoire d'échantillonnage. Donc, l'intérêt de cette présentation avec l'intervalle de confiance à 95%, c'est qu'il vous permet non seulement de dire si votre résultat est statistiquement significatif ou non, mais surtout, il garde la notion d'amplitude de l'effet qui peut être cliniquement ou épidémiologiquement importante. Et c'est intéressant de savoir si votre exposition double, triple, quadruple votre maladie et d'avoir ce résultat présenté immédiatement et pas simplement résumé à un critère statistiquement significatif ou non. Donc l'intervalle de confiance est vraiment ce que les épidémiologistes préconisent. Juste pour vous dire ce que représente l'intervalle de confiance, tel qu'il est calculé, et j'ai mis ici une formule pour l'intervalle de confiance autour des odds ratios, cela vous dit en fait l'ensemble des valeurs plausibles pour le risque relatif réel dans la population source que vous avez échantillonnée et que vous cherchez à estimer mais que vous ne connaissez pas. Et ce que fait l'intervalle de confiance finalement, c'est il correspond à, si vous étiez amené à répéter 100 fois la même étude, à récupérer votre échantillon, calculer votre odds ratio dans cet échantillon, vous calculez l'intervalle de confiance à 95%, eh bien, sur une répétition 100 fois de cette même étude, 95 fois sur 100, l'intervalle de confiance contiendrait la valeur que vous cherchez à estimer dans la population source que vous avez échantillonnée. C'est ça la véritable interprétation de l'intervalle de confiance. Et c'est ce que j'ai simulé ici sur ce diagramme, où j'ai pris 100 échantillons. Ici, on est sous l'hypothèse nulle où il n'y a pas d'augmentation de risque, à partir d'une base de données. Et j'ai à chaque fois calculé l'odds ratio et l'intervalle de confiance à 95%. Et comme vous l'observez ici, 95 fois sur 100, l'intervalle de confiance que j'ai construit contient bien la valeur nulle. Mais 5 fois sur 100, eh bien, votre intervalle de confiance ne contient pas la valeur nulle. Et c'est là où finalement l'échantillon que vous avez a raté sa cible. Vous n'avez pas obtenu l'odds ratio qui existait dans la population source et que vous cherchiez à estimer. Pour terminer avec ce chapitre méthodologique, que j'imagine peut être un peu rébarbatif pour certains d'entre vous, mais qui est important parce que je crois qu'il faudra, et peut-être à froid, que vous regardiez à nouveau ces diapositives. Il est vraiment important que vous compreniez à la fois comment sont estimés ces odds ratios ou ratios des taux d'incidence, et puis ces notions notamment statistiquement significatives. Ce qu'ont rajouté les Américains Niemann et Pearson, c'était au-delà de l'hypothèse nulle, hein, en absence d'association donc, et la valeur P qui permet de calculer cette probabilité d'observer un résultat au moins aussi large que celui que vous avez observé, une hypothèse alternative que le chercheur va formuler d'emblée quand il va démarrer son étude, et il va dire « je veux me donner la capacité d'identifier une augmentation de risque, qui c'est de l'ordre de 2 ou de 3 par exemple, si elle existe ». Et donc on va rajouter ce qu'on appelle la puissance de l'étude, qu'on va fixer en général à 80 ou à 90%, et à partir du calcul de tas d'échantillons, vous vous assurez que s'il y a vraiment une différence qui existe d'une ampleur que vous avez prédéterminée, c'est l'hypothèse alternative, eh bien, vous avez 80 ou 90% de chances de montrer qu'elle existe. Là encore, parce que les fluctuations aléatoires d'échantillonnage pourraient faire que vous ne soyez pas en mesure de démontrer une association qui, cette fois-ci, existe. Alors, tout ça nous amène finalement, par rapport aux études d'épidémiologie, on a vu comment se réalise une étude épidémiologique. Ensuite, les biais possibles et la façon avec laquelle on prend en compte les fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Et on termine avec un papier qui a été très important, publié dès 1965 par Bradford Hill, qui essayait de dire comment des études épidémiologiques et leurs résultats pouvaient contribuer à la causalité, à la notion donc de telle exposition est réellement causale de telle maladie. Alors il a mis 9 critères, et un seul critère qui a survécu jusqu'à aujourd'hui et qui est infaillible, c'est ce qu'on appelle la temporalité. Pour dire qu'une exposition est responsable d'une maladie, elle doit précéder cette maladie. Si l'exposition survient après la maladie, elle ne peut pas être causale. Donc ça, ce critère, il paraît évident, et c'est le seul qui a survécu, finalement, de l'ensemble des critères de Bradford Hill. Les autres ont été l'objet de critiques, qu'il faut savoir un peu moduler, parce qu'il a eu l'intérêt de proposer des critères. La reproductibilité est importante. Si vous avez une première étude épidémiologique dans un endroit qui vous montre une association entre exposition et maladie, c'est bien. Si une deuxième étude, faite par d'autres investigateurs à un autre endroit, retrouve la même association, vous commencez à y croire un peu plus. Si une troisième étude ailleurs vous rapporte encore les mêmes résultats, là, vous commencez à vous dire il y a une vraie association entre exposition et maladie. Et aujourd'hui, les agences, toutes les personnes qui doivent statuer sur la causalité, finalement, entre une exposition et une maladie, ne s'arrêteront pas à une première étude, mais demanderont une confirmation par une deuxième, voire une troisième étude, avant de décider. La force de l'association est importante, c'est ce que je vous ai donné par ce risque relatif, et d'où l'intérêt de montrer les risques relatifs avec l'intervalle de confiance. Eh bien, c'est de dire, si effectivement vous avez une exposition qui quadruple le risque de maladie, il y a plus de chances qu'elle soit causale qu'une exposition qui augmenterait très peu le risque de maladie. Alors, il y a des contre-exemples, bien sûr. On sait aujourd'hui, et grâce à des études de très grande taille, qu'il y a des augmentations de risque faibles qui sont réelles. Mais dans les critères qui vous permettront de dire c'est vraisemblablement causal ou pas, la force de l'association est un critère qui participe à votre jugement. Et le deuxième critère qui est le plus important, c'est probablement la plausibilité. Et dans le domaine de l'épidémiologie, c'est ce qu'on appelle la plausibilité biologique. C'est-à-dire que nous, on va trouver des associations par nos travaux entre différents types d'expositions, comportements alimentaires, etc., etc., et maladies. Mais avant que l'on soit un peu plus convaincu de nos résultats, il nous faudra trouver quel mécanisme biologique pourrait expliquer l'association que l'on a mise en évidence. Et si on ne trouve pas de mécanisme biologique, on est quand même embêté parce que là, on sait que nos résultats restent très fragiles. Et cette approche que d'autres appellent triangulation, qui consiste à dire que par rapport à une question scientifique posée, vous avez plusieurs démarches scientifiques qui relèvent de disciplines différentes et qui convergent. Cette approche, je pense, est très importante. Elle est vraie aussi pour les biologistes. Des biologistes qui vont mettre à la paillasse en évidence une association, un mécanisme, il est important pour eux qu'il y ait des épidémiologistes qui viennent derrière et leur disent « en population humaine, ça se traduit ainsi ». Donc ça ne doit pas être réservé simplement à l'épidémiologie, c'est aussi vrai pour les biologistes. Et c'est un peu cette complémentarité entre les disciplines scientifiques qui permet finalement d'aboutir à un critère de causalité, et on en reparlera. Alors, dans l'ensemble des études épidémiologiques qu'on peut faire, on attache aujourd'hui de l'importance à ce qu'on appelle le evidence-based, ce qui est les pratiques fondées sur les preuves. Et il y a différentes études épidémiologiques qui permettent d'arriver à ces conclusions avec un niveau de preuve qui n'est pas le même pour toutes. Ce qui nous paraît le plus fragile, c'est les études de corrélation écologique. Je vais vous en donner quelques exemples. Les enquêtes transversales, où à un moment donné, vous allez échantillonner des individus, vous allez regarder quels sont leurs comportements, quelles sont les maladies qu'ils ont, etc. C'est un petit peu mieux, mais on préfère les études cas témoins, qui sont plus structurées dans leur modalité de recrutement. Et puis au-dessus, vous avez les études de cohorte, dont on a déjà parlé. Et quand vous avez les possibilités de le faire, mais malheureusement, ça n'est pas toujours possible, les essais randomisés seront le design épidémiologique qui est le plus convaincant. Mais comme on l'a vu avec l'exemple fictif que je vous ai donné tout à l'heure sur le tirage au sort de vous allez fumer et pas fumer, ça n'est bien sûr, dans beaucoup de cas, pas possible de faire des essais randomisés. Donc finalement, on est souvent obligé d'arbitrer entre des résultats d'études cas témoins et des études de cohorte pour arriver à nos preuves. Alors commençons par quelques exemples. Corrélation écologique. Je vous l'ai dit, on est assez prudent par rapport aux résultats des études de corrélation écologique, mais elles peuvent quelquefois faire naître des hypothèses intéressantes, et c'est à ce titre qu'on les regarde. Et là, je vous donne un exemple qui est la corrélation qui existe entre la consommation quotidienne de viande et le taux d'incidence du cancer du côlon chez les femmes. Les éléments qu'on compare, ce sont des données qui ont été agrégées par pays. Et dans la corrélation écologique, ce qui est important, c'est que l'unité d'analyse n'est pas l'individu, mais une population, dans ce cas-là le pays. Et vous voyez que dans les pays où on mange beaucoup de viande, comme la Nouvelle-Zélande, ici c'est les États-Unis, ici c'est le Canada, eh bien les taux d'incidence de cancer du côlon sont plus élevés. À l'inverse, au Japon, et là je ne sais pas si c'est Nigeria ou Niger, où on mange peu de viande, les taux de cancer du côlon sont plus faibles. Alors il y a des pays où on peut se demander si le recueil des données, par exemple au Niger ou au Nigeria, est de qualité. En revanche, au Japon, je pense qu'on a des données de très bonne qualité. Et là, on voit effectivement qu'il y a quand même une corrélation qui semble indiquer que plus on mange de viande, plus le risque de cancer du côlon est important. Donc on y reviendra parce que cette hypothèse a été à l'origine d'études épidémiologiques plus solides. La corrélation écologique, je vous ai dit, c'est vraiment ce qu'on considère comme le moins convaincant. Mais ces études de corrélation, elles peuvent être facilement faites si vous avez accès à des statistiques globales par pays, par exemple, et elles peuvent faire naître des hypothèses. Alors pour vous mettre en garde un peu sur les corrélations écologiques, il y a un site que je vous conseille de regarder juste pour vous amuser qui s'appelle Spurious Correlations. Et la personne qui a créé ce site a croisé des données de toutes sortes qui étaient tirées de statistiques ici, donc c'est National Vital Statistics Report, c'est l'US Department of Agriculture, et il s'est amusé à montrer des corrélations qui, bien entendu, sont totalement absurdes. Et ça vous permettra de prendre un peu de recul par rapport à ces fameuses corrélations écologiques, parce que si on vous présentait ce graphe, vous vous direz « ça, c'est convaincant ». Si maintenant je vous dis qu'on est en train de comparer le taux de divorce dans le Maine avec la consommation par individu de margarine, vous allez vous dire « c'est totalement loufoque ». Mais il se trouve que c'est très bien corrélé. Autre exemple tiré du même site, vous avez une corrélation entre l'âge de Miss Amérique et le nombre de meurtres par... Alors des objets, hot objects, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, objets chauds, la vapeur, etc. Bon bref, ça c'est des données qu'il a tirées à la fois du CDC d'Atlanta et l'âge de Miss Amérique, qu'il est allé chercher sur Wikipédia. Là encore, une corrélation qui, quand on la regarde comme ça, on se dit tiens, c'est pas mal, ça tient la route. Dans la pratique, quand vous lisez le libellé, vous vous dites c'est n'importe quoi. Donc attention, les corrélations écologiques peuvent vraiment quelquefois être extrêmement trompeuses et il faut les prendre avec beaucoup de recul. Pour vous illustrer maintenant une démarche finalement qui est partie d'une corrélation écologique et qui aboutit à un résultat scientifique vraiment solide, on va regarder l'association qui existe entre l'infection par le VIH et la circoncision masculine. Alors ici, vous avez sur la gauche les données de l'ONU-SIDA de la prévalence du virus du SIDA en Afrique. On était en 1991, avec notamment dans la partie est de l'Afrique, une prévalence qui est extrêmement élevée, et puis également ici la Côte d'Ivoire et deux pays d'Afrique centrale. Et Stephen Moses, qui est un chercheur américain, a constaté qu'il y avait une corrélation, cette fois-ci dans le temps et dans l'espace, entre effectivement la prévalence du sida en Afrique et les zones de non-circoncision. Là où les gens n'étaient pas circoncis en Afrique, eh bien, les taux de prévalence du VIH étaient plus élevés. Et à partir de là, il s'est dit, il se pourrait que finalement la circoncision protège contre l'infection par le VIH. Alors, on a des arguments physiologiques pour pouvoir le penser. Chez des sujets qui sont circoncis, par exemple, le gland est beaucoup, et c'est kératinisé, il est plus dur et peut-être moins perméable pour des virus. Le prépuce lui-même, qui est retiré au moment de la circoncision, donc le prépuce lui-même, il peut être, se traumatiser, saigner un petit peu pendant des rapports sexuels, et du coup, ça fait une porte d'entrée. Il est aussi porteur de cellules qui pourraient être des cellules réceptrices du virus du VIH. Donc, il y avait tout un bagage biologique pour dire effectivement la circoncision pourrait protéger contre l'infection par le VIH. Mais il y a tout un autre courant de personnes qui ont dit attention, le fait d'être circoncis, c'est pas totalement anodin, ça correspond à des pratiques religieuses, des pratiques culturelles qui elles-mêmes pourraient être associées avec un risque moindre d'être infecté par le VIH. Et donc il y a eu dans la communauté scientifique, à la suite de la publication de ce papier, tout un débat pour dire ça n'est qu'une corrélation écologique. Il y a peut-être des arguments biologiques, mais également, on pourrait imaginer des raisons culturelles ou religieuses qui feraient que les personnes qui sont circoncises ont moins de risques d'être infectées par le VIH. Dès lors, attendons avant de conclure. Il y a eu par la suite toute une série d'études que je vous représente ici, des études de cas témoins et des études de cohorte en Afrique, pour regarder s'il y avait effectivement, mais cette fois-ci à l'échelle individuelle, une association entre l'infection par le virus du sida et la circoncision. Ce que vous avez observé ici, c'est la ligne du 1 pour le odds ratio, donc ça c'est absence de risque, et tout ce qui est à gauche, c'est des odds ratios qui sont inférieurs à 1, c'est une protection, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, et donc effectivement, la grande majorité de ces études laissent entendre que chez les sujets qui sont circoncis, le risque d'infecter par le VIH est moindre. Et là c'est intéressant parce que cette association, on la retrouve au niveau individuel, on n'est plus au niveau populationnel comme avec la corrélation écologique que je vous ai montrée juste avant. Si vous continuez maintenant un peu plus loin dans l'échelle des preuves, vous avez vu qu'on est parti de la corrélation écologique qui était le plus faible niveau de preuve. Ensuite, on a eu les études cas témoins et les études de cohorte. Là, le niveau de preuve augmente. Et l'aboutissement, finalement, ça a été trois essais randomisés qui ont été menés, un par une équipe française, et c'était le premier à le faire, c'est Bertrand Auvert, en Afrique du Sud. Et puis ici, après, avec des équipes américaines au Kenya et en Ouganda, où ils ont, en fait, recruté des individus et leur ont demandé s'ils souhaitaient ou non participer à une étude qui évaluerait l'efficacité de la circoncision dans la prévention du VIH. Ceux qui ont accepté par tirage au sort ont été circoncis ou non. Et ce que vous observez ici, c'est que dans le groupe circoncis, eh bien, l'incidence du VIH pendant les années de l'étude qui ont suivi était en général à peu près 50% inférieure à ce qui était observé dans le groupe qui n'avait pas été circoncis. Alors je sais que le design de cette étude peut un peu choquer au début. Tout ceci a été quand même très encadré, c'est-à-dire que les individus qui recrutaient d'abord donnaient leur, on leur expliquait vraiment le contenu de l'étude, donnaient leur consentement pour y participer. Tout au long de l'étude, les investigateurs ont insisté sur l'utilisation des préservatifs et de toutes les méthodes de protection qui existaient en leur disant « la circoncision qu'on va vous proposer peut diminuer votre risque, mais ne vous protégera pas complètement ». D'ailleurs, les taux d'incidence qui sont observés dans ces études en général sont inférieurs à ceux qui sont observés en population générale. Le simple fait de participer à l'étude va diminuer votre risque, dans le cas précis, d'être infecté par le VIH. Mais ce qui était intéressant en plus dans cette étude, c'est qu'on a trois études concordantes. Donc rappelez-vous la reproductibilité, les essais randomisés qui sont quand même des designs méthodologiquement considérés comme assez solides et qui retrouvent à peu près la même protection apportée par la circoncision par rapport au risque d'infection par le virus du sida. Donc voilà un peu l'enchaînement de ces différentes études, de la corrélation écologique qui fait naître une idée, études cas témoins cohortes qui permettent de renforcer, et puis vous avez vu d'ailleurs que l'ordre de grandeur qu'on avait dans les études cas témoins cohortes est à peu près le même que celui qui a été trouvé, à la fin dans l'essai randomisé, qui quand il est possible, mais malheureusement il ne sera pas possible souvent, mais là même on est arrivé un peu aux limites de ce qu'on arrive à faire dans l'essai randomisé qui lui devient quand même très convaincant en termes de niveau de preuve. Alors depuis, l'ONU SIDA, dans les pays à forte prévalence du VIH et où la circoncision est peu pratiquée, l'ONU SIDA recommande la circoncision, c'était le cas notamment en Afrique du Sud. Alors on va aborder maintenant une série d'études que j'ai mises dans ce chapitre des grandes contributions d'épidémiologie pour voir un petit peu qu'est-ce que l'épidémiologie a apporté au-delà des premières études que je vous avais présentées. Alors, suite à l'étude cas témoin Richard Doll et Austin Bradford Hill, ils ont décidé de continuer avec une cohorte, qui est une cohorte de médecins britanniques, hein, 34 000, tous des hommes, suivis depuis 1951. Je vous parlerai des femmes après, je vous rassure. C'était fait un peu pour équilibrer une autre étude qui avait lieu chez les femmes en parallèle et donner des résultats pour hommes et femmes. Mais dans cette étude-ci, ils ont suivi donc, vous voyez, près de 35 000 médecins. Et on regardait l'effet du tabac, et notamment vis-à-vis du cancer, chez ces médecins. Et l'ensemble des études qu'ils ont réalisées dans cette cohorte leur ont permis d'identifier le tabac comme facteur de risque de 15 des 16 cancers qui sont aujourd'hui répertoriés par le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer. Donc cette étude a vraiment, là aussi, pour les hommes, permis de mettre en évidence la relation qui existe entre tabac et cancer. Et si à l'issue de cette présentation que je vais faire aujourd'hui et des exemples qui vont suivre, vous n'êtes pas convaincu que le tabac est la cause de nombreux cancers, maladies cardiovasculaires, etc., je n'aurais pas vraiment réussi mon exercice. Alors, autre étude sur le tabac que je voulais vous signaler parce qu'elle était intéressante par les répercussions qu'elle a eues, plus que par ce qu'elle représente elle-même en termes de risque, c'est celui du tabagisme passif. Il y a le tabac que vous inhalez et vous décidez de fumer et vous mettez à risque vous-même. Et puis, il y a votre entourage, que vous exposez à la fumée du tabac et les conséquences pour votre entourage. Et Dimitri Trikopoulos, qui est un épidémiologiste grec, a eu l'idée, dans la fin des années 70, de tirer parti d'une situation assez particulière de la Grèce, qui était qu'à l'époque, en Grèce, pour les femmes, il était très mal vu de fumer. Et elles ne fumaient pas. Et si elles étaient exposées au tabac, c'était par la fumée de leur mari, qui lui fumait ou ne fumait pas. Et donc, il s'est dit que pour étudier le risque associé au tabagisme passif, eh bien, d'aller recruter des femmes grecques atteintes de cancer du poumon et regarder le tabagisme de leur conjoint. Donc, il a fait cette étude qu'il a menée entre 78 et 80 sur des femmes atteintes de cancer du poumon. Et il a observé que pour les femmes dont les maris fumaient un paquet par jour ou deux paquets par jour, le risque de cancer du poumon était multiplié par 2,4 ou 3,4 par rapport à des femmes dont les maris ne fumaient pas. Alors, cette étude... Et vous le verrez, le tabagisme passif, en termes de nombre de personnes malades, etc., ne compte peut-être pas tant que ça en termes de santé publique. En revanche, en démontrant qu'en fumant, vous mettez à risque votre entourage, on donnait les moyens aux législateurs d'interdire de fumer dans les lieux publics. Et ça a été le début d'une forme d'ostracisation des fumeurs qui ne pouvaient plus fumer dans les lieux publics, devaient se mettre dans des endroits séparés, etc. Et l'impact à terme sur le tabagisme de cette interdiction de fumer dans les lieux publics, etc., est probablement assez considérable. Donc elle a eu un impact très très important par la suite. L'autre grande étude de cohorte que je voulais parler cette fois-ci chez les femmes a été démarrée aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la Nurse Health Study, démarrée en 1976, où ils ont recruté d'abord près de 122 000 femmes de 30 à 55 ans, et ils les ont suivies jusqu'à aujourd'hui. Et cette cohorte s'est enrichie d'inclusion en 1989 et en 2010, où au départ, ce qui intéressait les investigateurs, c'était de regarder les effets de la contraception orale sur le risque de cancer et cardiovasculaire pour les femmes. Et puis après, ils ont élargi leur intérêt à tout ce qui était alimentation. Et dans le domaine de l'alimentation, cette cohorte a vraiment fourni une quantité d'informations extrêmement importante. Alors, là encore, impossible de résumer l'ensemble des publications de la Nurse Health Study. On est dans plusieurs milliers de publications depuis que l'étude a été lancée. Mais je vous donne ici un condensé à partir d'une des recommandations qui était faite par Graham Colditz et Sue Hankinson. 50% des cancers chez les femmes, par exemple, pourraient être évités si elles ne fumaient pas, elles avaient une activité physique régulière, poids raisonnable, etc. Toutes ces recommandations, vous les connaissez déjà. Et en fait, vous les appliquez plus ou moins dans votre vie quotidienne. Mais une fois de plus, et je reviens sur mon propos introductif, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces recommandations, elles sont issues du suivi de 200 000 femmes pendant plus de 40-50 ans. Donc c'est quand même, voilà, il y a eu beaucoup de travail derrière et d'analyse. Maintenant, vous verrez qu'il y a aujourd'hui, sur certains aspects des résultats de la Health Study, des questionnements que je verrai avec vous. Pour revenir sur notre exemple de viande rouge et cancer du côlon, pour vous montrer comment une corrélation écologique peut après, donc quand on a vu cette corrélation entre consommation de viande et cancer du côlon, à l'échelle des pays, appliquée à l'échelle individuelle, ben les investigateurs de la cohorte, la Nurse Health Study, ont voulu regarder chez les femmes de leur cohorte s'il y avait une association entre consommation de viande rouge et cancer du côlon. Vous avez ici, alors une fois de plus, là c'est peut-être un des plus mauvais exemples en termes de qualité d'image, mais vous avez donc le papier de Walt Willett dans le New England Journal of Medicine. Pour les femmes qui consomment de la viande rouge moins d'une fois par mois, vous avez, c'est la catégorie de référence à laquelle vous comparez les autres. Et quand vous augmentez votre consommation régulièrement jusqu'à plus d'une fois par jour, eh bien votre risque de développer un cancer du côlon passe de 1 à 1,39, puis 1,50, puis 1,84, 2,49 et 2,52. Donc on passe de 1 à 2,49 et c'est gradué. C'est ce qu'on appelle une relation dose-dépendante, et ça aussi, c'est quelque chose qui nous souvent conforte un petit peu dans notre analyse des résultats. Une des critiques qui avait été faite, c'était est-ce que, par exemple, chez ceux qui consomment beaucoup de viande rouge, eh bien, la consommation des fibres alimentaires serait plus faible, et les fibres alimentaires, elles, vous protégeraient du cancer du côlon. Donc c'est ce qu'on appelle cet effet de confusion que j'évoquais plus tôt. Dans cette étude, la consommation de fibres alimentaires avait peu de relation avec le cancer du côlon et n'expliquait pas. Donc ils ont gardé comme explication finale le fait que la viande rouge puisse être associée au cancer du côlon. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est généralement accepté. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Arnaud Fontanet, son cours intitulé « Histoire de l'épidémiologie, succès et limites, partie 1 ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Arnaud Fontanet. Je vous recommande également la vidéo complète de ce cours et les éclairants documents qui l'accompagnent. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Demain, nous achèverons la question des succès et limites de l'épidémiologie en compagnie d'Arnaud Fontanet. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.